Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Banni, réfugié, réprouvé, le 19e siècle à l'épreuve de l'exil. En 1867, Théodore de Banville fait paraître Les Exilés, un recueil de poésie. Dans la préface, il écrit ces mots. Les Exilés, quel sujet de poème si j'avais eu plus de force. En prononçant ces deux mots d'une tristesse sans borne, il semble qu'on entende gémir le grand cri de désolation de l'humanité à travers les âges et son sanglot infini que jamais rien n'apaise. Banni, proscrit, réprouvé, comment la figure du réfugié a-t-elle été construite ? Delphine Diaz, bonjour. Bonjour. C'est une histoire de vocabulaire, cette histoire, avec un champ lexical assez vaste pour le 19e siècle. Hein, je l'ai évoqué, banni, proscrit, réprouvé, réfugié. Faire l'histoire de ces mouvements de population ou d'individus, c'est réfléchir au vocabulaire. C'est réfléchir aux mots de la migration, aussi bien pour le temps présent que pour le 19e siècle. Il est essentiel de passer d'abord par une analyse du lexique qui nous renvoie aussi à la façon dont les acteurs, les victimes de l'exil se définissaient, la façon dont ils étaient perçus à l'époque. Donc en effet, le mot exilé est un mot qui s'impose au 19e siècle pour qualifier ceux qui ont été contraints de quitter leur patrie. Ce n'était pas un mot qui était utilisé tant que ça auparavant. Le 19e siècle a quelque chose de spécifique. Alors c'est un mot ancien hein, qui date du 12e siècle en français, mais c'est vrai que c'est à partir du 19e siècle qu'il est vraiment assimilé à une migration contrainte et aussi à une migration internationale. Hein, c'est ce qu'on voit aussi petit à petit se dessiner dans les définitions des dictionnaires de l'époque. Hein, l'exilé, c'est celui qui doit franchir des frontières pour se mettre à l'abri. Oui, donc cela nécessite que la notion de frontière soit bien établie. Sylvie April, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit « Le siècle des exilés, banni et proscrit » de 1789 à la Commune. En quoi ce 19e siècle est le siècle des exilés ? Alors, il est le siècle des exilés parce que, comme l'a dit Delphine, il y a une internationalisation hein, de cet exil. Et puis, il y a, si on se concentre sur l'Europe, une multiplication de coup d'État, de renversement politique qui vont multiplier aussi les diverses formes donc de cet exil, les déplacements donc depuis la Révolution et puis surtout donc à partir de 1815. Donc on va avoir l'Europe du Sud hein, surtout qui va être concernée en 1820-1830 pour faire assez schématique disons. Et puis ensuite avec le Printemps des Peuples, on va avoir ce grand mouvement européen hein, qui va là balayer à peu près toute l'Europe et surtout l'Europe du Nord, notamment l'Empire allemand, enfin et puis les États allemands. Et puis l'Autriche. Donc on va avoir voilà, comme ça des mouvements très très importants dans tous les pays. Donc ça va à la fois créer des pays de départ, mais des pays aussi d'accueil, puisque donc il y a forcément aussi, bien sûr, en jeu le départ et puis l'arrivée, parfois d'ailleurs avec des étapes multiples. C'est du vocabulaire, c'est de la géographie. Et puis il y a cette notion de groupe et d'individu. C'est cela aussi qui est extrêmement intéressant pour ce 19e siècle. L'exilé est un individu en soi, il peut être exilé seul, mais il y a aussi des groupes exilés. Ce n'est pas nouveau, hein. Les Huguenots avaient connu ça en France, Delphine Diaz. C'est une longue histoire, mais pour le 19e siècle, on sent qu'il y a une densité de mouvements. En effet, c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'on peut penser à l'exil des Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, avec un mouvement vraiment de grande ampleur, hein, certainement 150 000 personnes qui sont contraintes de quitter la France. Donc ces grands mouvements de population ne sont pas tout à fait neufs. Néanmoins, c'est vrai que la Révolution française, elle aussi, provoque hein, des déplacements massifs, hein, ceux des émigrés, hein, les émigrés réputés contre-révolutionnaires, hein, qui là aussi sont extrêmement nombreux à prendre la route de l'exil, même si pour eux, on va pas forcément, on l'a compris, adopter le mot exilé, mais on va leur réserver le mot émigré. Et là aussi, on voit toute l'importance de ces termes. Et puis ensuite, quand on progresse dans le siècle, dans le 19e siècle, on voit en effet d'autres épisodes où il y a des grands mouvements massifs de population. On peut penser notamment à la grande émigration polonaise au début des années 1830 qui va certainement mobiliser environ 8000 personnes de manière très brutale à la suite de la répression russe. Voilà, donc de grands mouvements de population qu'on va retrouver aussi en 1848-49, si on pense notamment à l'exil des républicains allemands, là aussi certainement au moins dizaines de milliers de personnes. Et puis il y a ce mouvement après la Commune ou de la Commune. C'est vraiment passionnant. Ce siècle a étudié les réprouvés sur les routes de l'exil dans l'Europe du 19e siècle. C'est l'ouvrage que vous dirigez toutes les deux, Delphine Diaz, Sylvie April. Et en feuilletant cet ouvrage aux éditions de la Sorbonne, il y a évidemment, puisque c'est un ouvrage sérieux, la bibliographie avec les sources imprimées. Sylvie April, dans ces sources imprimées, nous sommes étonnés de voir même le mot exil apparaître dans de très nombreux titres d'ouvrage, et en fait de tous ceux qui ont été concernés. Ça commence par Arago, mais on en trouve tant et tant qui parlent de l'exil. Oui, parce que de toute façon c'est un topos ancien, c'est vrai qu'ils ont été aussi formés pour la plupart, ils ont eu des études grecques latines et donc ils ont lu les tristes d'Ovide, enfin il y a toujours ce discours, vous évoquiez était dans ma ville, il y a ce discours de déploration, hein. Donc il y a cette poétique, hein, cette nostalgie qui entoure l'exil, et puis ça devient une réalité, hein, une réalité que l'on vit aussi au quotidien, qu'il y a un départ, il y a une durée aussi de cet exil, donc ça devient une matérialité aussi de l'exil qui se crée à ce moment-là avec des sociétés d'exilés qui sont aussi des gens qui vont se regrouper non plus simplement par nationalité mais aussi par lieu de sociabilité. Avec une réflexion, mais nous l'entendons bien, qui dépasse simplement ce 19e siècle et qui a, comme de bien entendu, un écho contemporain. J'imagine que dans l'histoire, tous les réfugiés se sont vus appliquer l'épithète de renégat. Et pourtant, le jugement de l'histoire a été très différent. Nous sommes bien placés en Amérique pour nous en rendre compte. Ce sont des réfugiés, fuyant les persécutions religieuses et politiques, qui fondèrent notre démocratie. Pour nous, il ne saurait y avoir un si grand nombre de traîtres. L'exil est le plus dur des sacrifices que l'homme puisse s'imposer. Les Baltes, les Ukrainiens, les Polonais, les Roumains, les Tchèques, les Hongrois, les Bulgares et les Russes qui décident de chercher un climat de liberté au prix de terribles souffrances personnelles sont pour nous des gens qui veulent vivre leur vie. C'est en 1952, dans les causeries du dimanche, que s'exprimait Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, femme politique, évidemment, accessoirement l'épouse du président des États-Unis, mais surtout quelqu'un, avec son français impeccable, qui réfléchit à toutes ces notions. Et Sylvie April, nous avons ici l'ambiguïté de la notion d'exilé, de réprouvé, parce qu'il y a toujours ce double regard. Il faut se situer pour savoir de qui l'on parle. Oui, tout à fait. Les proscrits français, puisque le terme de proscrit sera surtout utilisé par les exilés français, donc après le coup d'État de 1851, évitent soigneusement et répètent inlassablement qu'ils ne sont pas des émigrés, pour qu'on ne les confonde pas ou qu'on ne les assimile pas donc aux émigrés de la Révolution française. Donc il y a toujours ce décalage à l'intérieur même, si vous voulez, de la communauté. Et puis il y a toujours effectivement cette méfiance qui peut y avoir donc pour celui donc qui a quitté son pays. Qui ne s'est pas parfois battu donc dans son pays donc pour le défendre. Donc il y a effectivement cette idée que l'on trouve dans le pays de départ, dans la communauté et puis aussi dans le pays d'accueil où on va effectivement aussi chercher constamment à définir le bon du mauvais réfugié, celui qui se glisserait en quelque sorte aussi dans les pas donc de ces bons réfugiés qu'il faut aider puisque c'est la question aussi du secours hein, qui est en jeu et comment secourir ces exilés. Donc voilà, donc il y a toujours effectivement une ambiguïté, même si l'accueil peut être souvent au départ très, très enthousiaste. Nous avons cette ambiguïté, Delphine Diaz, vous avez cité les émigrés de la Révolution, ces aristocrates qui ont fui le mouvement révolutionnaire. Bien, là, voilà, nous avons ce double regard de ceux qui sont partis et qui espèrent conserver une certaine France, peut-être un souvenir de la France de l'Ancien Régime, et puis, vu de France, alors là, nous sommes sur le contre-révolutionnaire, même le traître à la patrie. patrie. Oui, c'est très intéressant, effectivement, ce terme de renégat qui était employé tout à l'heure dans l'extrait. L'image, effectivement, d'un réfugié qui aurait été potentiellement un traître à sa patrie parce qu'il serait parti, parce qu'il n'aurait pas combattu chez lui, effectivement, est un motif récurrent. Et c'est justement un objectif de la part des proscrits, notamment des proscrits libéraux, républicains, de chercher à inverser cette représentation et de montrer précisément qu'ils sont partis parce qu'ils sont des héros, ils sont partis parce qu'ils ont voulu construire leur patrie depuis l'étranger, hein, et c'est notamment tout un motif qui a été bien montré par les historiens du Risorgimento italien qui ont montré comment les proscrits italiens ont précisément essayé et réussi à inverser cette image négative du réfugié pour en faire une image héroïque. Oui, parce qu'il y a de ça hein, dans cette histoire de ceux qui se déplacent, quittent un endroit pour un autre et traversent une frontière, c'est cette complexité. Complexité du regard et complexité de la motivation. Sylvie April, quand nous étudions ces exilés, ceux qui se déplacent, nous sommes sur des raisons politiques mais qui nécessitent d'être extrêmement contextualisés. Nous parlons de la Révolution française, il y a, après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne, les années 1830 avec la Pologne, c'est toujours très contextualisé. Oui, chaque situation nationale est complètement particulière. D'ailleurs, ça crée des quiproquos assez drôles, parce que c'est vrai que les Français, par exemple, ne comprennent absolument souvent pas grand-chose à ce qui se passe en Espagne. Ils ne comprennent pas très bien qu'ils sont en train, finalement, d'accueillir. Hein, alors que c'est parfois des gens très conservateurs et réactionnaires qui les accueillent, alors qu'ils pensent accueillir des libéraux. Le carlisme, finalement, est souvent assez mal compris hein, en France, à part dans des élites. Donc c'est vrai qu'on a une très grande complexité donc de cet accueil, ne serait-ce que les termes employés. Quand en France, le terme d'émigré, effectivement, est un terme qu'on se refuse à employer, alors que les Polonais, eux, parle de la grande immigration, hein, avec quasiment un E majuscule, et que même en allemand, ce terme d'émigration est tout à fait... positif aussi. Donc c'est très effectivement il faut contextualiser chaque situation j'allais dire des deux côtés, c'est-à-dire qu'il faut contextualiser aussi chaque accueil parce que l'accueil est aussi instrumentalisé et les conflits qu'il y a à l'intérieur des pays pour prendre un exemple les conflits qu'il y a dans la Suisse hein, en Suisse entre le Conseil fédéral et les cantons il se fait aussi à partir de l'accueil hein, ceux qui doit accueillir comment le Conseil fédéral rejetant sur les cantons les conséquences matérielles hein, de cet accueil, par exemple. Dans l'ouvrage hein, que vous dirigez, Les Réprouvés sur les routes de l'exil, on voit bien par le chapitrage comment vous avez réfléchi à tous ces moments, accueillir, expulser, partir en exil, vivre au loin. Ce moment exil est très particulier parce qu'il touche une identité. Si l'on cherchait à trouver un lien commun entre tous ces exilés, c'est peut-être le souvenir du pays de départ. Il y a de ça aussi, ce n'est pas une volonté de partir et de tout laisser derrière, ou alors parfois est-ce le cas, Delphine Diaz? Alors, il y a une grande complexité des motifs du départ hein, dans cette Europe du 19e siècle. Parmi ces motifs, on peut retrouver notamment l'exil volontaire, hein, qui est aussi revendiqué parfois par les acteurs. Hein. Effectivement, ils disent partir de manière volontaire pour se mettre en sûreté à l'étranger. Il y a la volonté d'échapper aussi à la censure, qui peut être aussi un des motifs de départ important. C'est le cas, par exemple, du journaliste Heinrich Heine, qui arrive à Paris au lendemain des Trois Glorieuses. Et puis parfois, il y a des motifs quand même aussi bien plus sérieux, comme la volonté d'échapper à une condamnation pénale et de se mettre à l'abri ainsi, alors qu'on était poursuivi hein, et qu'on était parfois même condamné par contumace, qui a été le cas de nombreux exilés libéraux italiens dans les années 1830, mais aussi ensuite, plus tard, hein, le cas de communards français en 1871. Et puis, il y a des cas aussi où l'exil, finalement, est aussi reconnu comme une peine, hein, en quelque sorte, dans le droit de certains pays de départ, même si c'est pas forcément le mot qui est employé. Hein, il y a effectivement la condamnation à l'exil qui peut exister aussi. Donc, c'est toute cette complexité des motifs de départ qu'il faut avoir en tête. Pour comprendre effectivement ce phénomène hein, à la fois massif, mais qu'il faut aussi comprendre non seulement en ayant en tête les ordres de grandeur, mais aussi en suivant des itinéraires biographiques particuliers. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre. Et vous le faites très bien d'ailleurs, Sylvie April. Oui, il faut ajouter qu'il y a aussi des civils et des militaires. Hein. Donc il y a aussi cette distinction qu'il faut faire. Et par exemple, les Hongrois vont partir par plusieurs milliers donc dans l'Empire ottoman. Ils vont se retrouver dans des camps à la frontière donc dans l'Empire ottoman. Voilà, donc ça complexifie encore la situation. Il y a des militaires, il y a des Italiens qui combattent pour l'unité italienne, ces Carbonari. Des militaires, des Carbonari, évidemment, voici un hussard sur le toit. Ma chère mère, cette lettre vous parviendra-t-elle ? La choléra s'est abattue sur ce pays. Il n'y a plus ici ni courrier ni voiture de poste. Les routes sont barrées. Peut-être que Dieu a décidé d'en finir une fois pour toutes. Que faites-vous derrière cette pendule ? Rien, c'est un peu compliqué. Vous êtes toujours comme ça, aussi cérémonieux ? Vous trouvez ça ridicule ? Au contraire, c'est très rassurant de rencontrer quelqu'un comme vous, dans les circonstances où nous sommes. Vous croyez qu'il nous cherche ? Peut-être. Vous parlez comme un officier ! Je suis colonel ! Colonel ! Ça exigeait colonel de votre âge ! Oui, en Italie ! Je ne connais même pas votre nom. C'est le hussard sur le toit. D'après le roman de Jean Giono, c'est le film de Jean-Paul Rapneau en 1995 à propos de ceux qui combattent pour l'unité italienne qui fumait. Nous sommes dans les années 1830, 1832 à peu près avec cet événement-là. Nous pouvons dire que déjà, premier tiers du 19e siècle, il y a une longue expérience des exilés. Il faut rappeler combien les populations se déplacent en Europe au 19e siècle. Sylvie April, il n'y a pas que les guerres napoléoniennes qui déplacent des dizaines, des centaines de milliers d'hommes, peut-être des millions. Non, il y a beaucoup de déplacements. Oui, c'est-à-dire que l'exil hein, va aussi être inclus dans un grand siècle de migration, de départ. Et d'ailleurs, il est parfois difficile hein, de distinguer ce qui est de l'ordre de la migration économique, de la migration politique. Et un historien, que je cite assez souvent, Klaus Bad, donc a très bien montré que une partie du grand mouvement où les Allemands sont partis aux États-Unis, des populations qui sont plutôt des populations de paysans. De gens qui ne sont pas du tout forcément impliqués dans des mouvements politiques peut s'expliquer aussi hein, par un climat de tension, de répression et que finalement le choix de partir est un choix qui est effectivement motivé hein, par des conditions difficiles mais aussi par une envie d'ailleurs hein, et l'envie d'ailleurs c'est aussi une promesse politique hein, les États-Unis c'est aussi l'idée de la démocratie à ce moment-là. Et la question du déplacement pour des raisons économiques se pose, il est lié, vous l'avez dit Sylvie April, parfois à des raisons politiques. Pour le déplacement économique, dès lors, il y a des problèmes parce que le 19e siècle est celui de la peur du vagabond. Ah, le vagabond Delphine Diaz qui hante les rues. Non, mais il obsède les dominants. Oui, ces populations dites flottantes obsèdent les autorités administratives et politiques. Et à ce titre-là, les réfugiés aussi font partie de ces populations qui bougent sans cesse et qui sont particulièrement surveillées. Hein. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous renvoie cette histoire effectivement de surveillance du vagabondage et des déplacements dans la France et l'Europe du 19e siècle, à la volonté aussi de séparer de plus en plus clairement le réfugié qui serait venu pour des motifs contraints, hein, politiques ou religieux, des autres étrangers qui bougent, qui se déplacent et qui se déplacent souvent parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils cherchent du travail, parce qu'ils sont soumis à ces mobilités contraintes, poussées davantage par le besoin d'argent et la recherche d'emploi. Et puis dans cette histoire, il y a la notion de contrôle, vous l'avez dit justement, de papier. Oui, aujourd'hui, c'est presque une évidence avoir des papiers, une pièce d'identité, un permis de conduire, un passeport. Mais dans les siècles passés, mais ça n'existait absolument pas. Qu'est-ce que des papiers ? Allez, vite, on y va. Va falloir apprendre à vous dépêcher, vous. Bernard Larmeau. C'est un faux passeport. Non, c'est un vrai. C'est le nom qui est faux. Ah. Quelle est la différence avec un faux passeport ? Alors, France Culture. Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. Le cours de l'histoire. D'accord. Il y a aussi le faux faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc un passeport. Xavier Mauduit. D'accord. Tout simplement, le passeport, c'est un extrait de la série télévisée au service de la France. Sylvie April, cette notion même de passeport c'est le 19e siècle, savoir contrôler les gens, mais simplement, qui sont-ils? En rappelant tout simplement que la photographie n'est pas aussi développée, en tout cas pas avant les années 1850-60. C'est très dur de savoir qui sont les gens. Oui, tout à fait. Alors donc le passeport en plus c'est quelque chose qui est surtout donc intérieur en fait, surtout pour la France. Donc l'idée, si vous voulez, de contrôle à la frontière, elle n'est pas forcément liée donc au papier. Donc ça va, ça se construit justement. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit vraiment tout ça comme ça commençait à se construire. Et il y a Hugo qui dit une frontière, ça implique une guérite et une guérite un soldat. Donc ça commence, hein, ça se met en place. Mais c'est vrai que pour la plupart finalement c'est à l'œil qu'on reconnaît finalement. Donc il y a, on voit très bien donc les rapports de police, on voit les gens, voilà, c'est des policiers qui sont à l'arrivée des bateaux et qui regardent et qui essaient donc de retrouver donc ceux qu'on leur a décrits, avec parfois aussi des erreurs. Enfin, je veux dire, Saint-Ferréol, qui a écrit un grand livre sur les exilés en Belgique, raconte qu'en fait les proscrits eux-mêmes se repassent des passeports où parfois il y a écrit jambe de bois, œil de verre, alors qu'en fait évidemment c'est absolument pas le cas, et que ça fonctionne quand même pas trop mal. Puis on se déguise aussi pour passer la frontière, hein, parce que la clandestinité est quand même aussi importante. Donc le passage de frontière avec de faux noms, Hugo a très très largement évoqué qu'il était l'ouvrier Lanvin, hein, puisque donc il avait pris ce nom-là. Puis il y a des gens qui se déguisent en femmes, en prêtres. Enfin, il y a c'est toute une épopée aussi, ce passage de frontière à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a la narration de l'exil qui est absolument passionnante. Et dans cette volonté de contrôler Delphine Diaz, une fois que l'on a identifié la personne, la question c'est pourquoi cette personne est-elle venue? Et c'est là où ça devient compliqué. Raison politique, religieuse, économique. À partir de quand la question commence vraiment à se poser? Alors en France, c'est une question qui se pose assez tôt et c'est vraiment à partir de la monarchie de Juillet qu'on essaye véritablement de distinguer, du moins dans la pratique administrative, ceux qu'on va appeler les étrangers réfugiés des autres. Hein. Et donc ça passe notamment par l'adoption de législations nouvelles. Alors la France, de ce point de vue, fait un peu exception parce que c'est vraiment un des premiers pays en Europe à adopter une législation sur les réfugiés à partir de 1832, justement. On y revient, hein, puisque 1832 est aussi, bon, c'est l'année du choléra, on l'a entendu tout à l'heure, mais c'est aussi une sorte d'année de crise migratoire, si on reprend un vocabulaire bien plus récent. Hein. Donc c'est à ce moment-là que s'élabore une législation qui va adopter le mot même de réfugié et qui va essayer en pratique, en fait, grâce à un corpus très abondant de circulaires administratives du ministère de l'Intérieur, qui va essayer de distinguer les réfugiés des autres. Donc ça va passer notamment par la réunion de commissions au niveau de chaque département, dans lesquelles les réfugiés vont devoir faire leurs preuves et prouver qu'ils sont bienvenus sous la contrainte. Ils vont devoir mobiliser des témoignages de compatriotes, hein, puisque souvent, effectivement, ils sont partis sans papiers. Donc cette question des papiers, on la retrouve aussi, même si, je dirais quand même qu'on est déjà quand même dans un régime du papier au 19e siècle. Alors, c'est pas aussi précis, on l'a dit. Mais en plus des passeports, il y a de nouveaux documents qui s'élaborent, comme par exemple le bulletin individuel de réfugiés adopté sous la monarchie de Juillet, là également. Voilà, des papiers, très importants les papiers, mais parmi les papiers essentiels aussi dans cette histoire, il y a les journaux. Sylvie April, au sens où les gens connaissent très bien, pour le dire simplement, la géopolitique, la situation internationale dans d'autres pays. Il y a une grande attention pour ce qui se passe ailleurs, ce qui explique aussi que quand quelqu'un vient de Pologne, par exemple, on sait déjà ce qui lui est arrivé. Oui, parce qu'il y a déjà des comités de soutien qui sont organisés simplement parce qu'effectivement on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. L'intérêt pour la Pologne, hein, est un intérêt constant en France, hein, des catholiques, des libéraux. Il y a toujours cet intérêt, donc cette connaissance aussi de la Pologne. Il y a des associations qui sont créées, donc il y a tout un réseau qui se met en place, et puis de presse, effectivement, de presse étrangère qui va fonctionner, de presse donc d'exilés, hein, à Jersey puis à Guernesey. Il y a le journal L'Homme, hein, qui est un journal très très important pour ces exilés, qui est un journal qui est à la fois donc dirigé par un Polonais mais avec des rédacteurs italiens, allemands, français, qui vont donc aussi donner des informations, continuer donc à informer la communauté donc en exil, et puis essayer d'informer aussi bien au-delà, mais c'est souvent un peu difficile en raison de la censure, les populations aussi, et de faire pénétrer dans les pays donc ces journaux. Marx, hein, lui aussi évidemment, est un grand journaliste qui va donc essayer de faire passer des nouvelles, donc que ce soit en France et puis en Belgique et ensuite en Grande-Bretagne, donc avec la Nouvelle Gazette Rhénane. Restons dans les années 1830, nous sentons à combien ces années-là, la monarchie de Juillet en France, sont essentielles, et restons aussi en Pologne. L'assaut contre Varsovie a été donné au début du mois de septembre, et Varsovie a été emportée par les Russes. Il y a eu des scènes déchirantes. Moi, je me souviens de ma grand-tante Marie Scarbeck, qui était la fille de l'émigré, qui me racontait que son père préféra briser son épée plutôt que de la rendre aux Russes. Et la France et l'Angleterre ont offert, naturellement, de recueillir les militaires qui ne voudraient pas retourner chez eux en Pologne. Combien étaient-ils ? Au total, environ une dizaine de mille, on peut dire, qui se sont en gros répartis sur l'Angleterre et sur la France. C'est rare de voir une armée des fêtes accueillie comme des héros. Et bien là, ce fut le cas, n'est-ce pas ? C'était des héros, les martyrs de la liberté, ils avaient combattu, n'est-ce pas, pour la liberté. C'est Jean Scarbeck qui s'exprimait en 1995 dans l'émission Terre d'Asile sur France 3. Il s'était spécialisé lui-même, mais on l'entend par son histoire familiale, sur ce qui s'était passé en Pologne et notamment en 1831, l'insurrection de novembre. Delphine Diaz, là nous avons un exemple avec les Polonais d'une intensité presque émotionnelle pour l'exilé lui-même, mais pour ceux qui accueillent, il le dit bien, accueillis comme des héros en France. Oui, cette grande émigration polonaise, donc, qui est née de la répression russe, de la révolution de Varsovie, qui était une révolution sœur de la révolution des Trois Glorieuses à Paris ou de la révolution de Bruxelles en août 1830, a été accueillie avec une émotion extraordinaire, qui n'a peut-être pas de point de comparaison, puisqu'effectivement, on va avoir la naissance, à partir de 1831-1832, d'un ensemble d'associations qui vont lever des fonds, à travers notamment le recours à la souscription. Donc lever des fonds d'abord pour les insurgés à Varsovie, et puis une fois que la révolution est réprimée, il va s'agir d'accueillir mieux les réfugiés polonais. Donc ils se répartissent en effet essentiellement en France, mais aussi en Belgique, également en Grande-Bretagne, et dans ces différents pays d'accueil européens, puisqu'ils partent aussi, pour certains, aux États-Unis, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ils bénéficient quand même d'une forme d'accueil bien plus favorable que d'autres groupes de réfugiés. Alors la question de l'accueil, justement, parce que c'est très compliqué d'accueillir des gens, même s'ils sont considérés comme des héros, faut mettre en place des infrastructures. Sylvie April, comment se construit cette notion même d'accueil du réfugié, du proscrit, du banni ? Alors, c'est très compliqué. On va essayer de simplifier. Là, il y a cette question de l'hospitalité. Alors là, il y a ce grand terme d'hospitalité, qui évidemment est très très très émotionnellement fort. On va accueillir. Mais bon, après concrètement, comment ça se passe ? Donc, il y a ces subsides. Alors, il y a effectivement ce qu'on donne à l'arrivée, le secours, en quelque sorte, et puis après, donc, il y a l'instauration d'un subside dans la durée. Et le problème, évidemment, c'est cette durée. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et très vite, les gouvernements, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique, vont être confrontés à cette question de comment continuer, en quelque sorte, à secourir financièrement. On va les aider. Alors pour le cas des Polonais, on va les aider à trouver un travail. On va aider les plus jeunes aussi à partir à l'université. C'est assez innovant, cette idée qu'il faut les former en quelque sorte, que de les laisser dans ces dépôts d'internement. Qui ne sont pas toujours très bien accueillis par la population. Si dans un premier temps, il y a effectivement un accueil assez enthousiaste, ces dépôts d'internement, qui sont généralement installés d'ailleurs dans des régions éloignées des frontières, donc qui ont vu assez peu passer de mouvements de population, finalement, si vous cherchez des Polonais dans les années 1830, à la fin des années 1830, vous les trouvez plutôt finalement en Bretagne, dans le sud-sud-ouest, plutôt que finalement du côté des frontières qui seraient les plus proches. Donc il y a toute cette dire, complexité de l'accueil dans la durée, dans le bâtiment. Alors, il y a des grilles qui ont été mises en place assez strictes, donc pour donner de l'argent. Il y a aussi des règles qui sont, alors pas forcément en France, qui sont d'éloignement de la frontière. Et là, pour les individus aussi, c'est-à-dire en Suisse, il faut être à un certain nombre de kilomètres de la frontière. En Belgique, on va forcer les gens, les Français notamment, à aller, alors c'est un peu plus tardif, à aller en Flandre, donc dans une zone qui n'est pas du tout donc une zone francophone. Donc on va jouer comme ça de ces diversités qui vont créer, et même on va séparer, par exemple à Paris on va permettre donc aux aristocrates polonais d'être présents mais pas les plus pauvres. Même chose à Bruxelles, il va falloir montrer après à Bruxelles, plutôt dans les années 1950, que l'on a les moyens de se maintenir en exil. Donc ça fait aussi des hiérarchies sociales importantes entre les exilés eux-mêmes. Cette question de la dispersion ou de regroupement est au cœur en fait de l'accueil. Delphine Diaz, votre maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Reims. Vous avez écrit « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle » à nos jours, publié chez Gallimard. Dans cette idée de l'exil, là aussi, nous regardons, et il y a une logique, bien souvent le cas français, mais la notion d'accueil est très différente selon les pays. D'ailleurs, est-ce que cela entre en compte au moment du départ, se dire « Tiens, dans tel pays, nous savons que nous allons être bien accueillis ». Oui, c'est important, effectivement, cette question. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a parlé beaucoup de la France, mais ce qu'on observe, c'est que dans ces années 1830, quand même, se joue de manière vraiment transnationale, européenne, cette question de la sélection des réfugiés admis au secours et de ce fait plus surveillés, plus contrôlés. On a parlé des dépôts de réfugiés en France dans les années 1830. Ça va inspirer notamment la Belgique, la Suisse voisine, qui vont aussi, à un moment, interner, assigner à résidence, encasernés, comme on dit en Suisse, les réfugiés. Alors, en effet, du point de vue même des proscrits, il y a aussi la réflexion sur les lieux les plus accueillants. Alors, pour un proscrit républicain, par exemple, qui quitte les États allemands en 1848-49, le choix est vite fait parce que la contrainte fait que, effectivement, les seuls pays qui sont capables d'accueillir ces démocrates révolutionnaires, ce sont souvent la Grande-Bretagne, qui ne sélectionne pas à l'entrée et donc qui ne met pas de barrière à l'entrée des étrangers sur son territoire durant tout le XIXe siècle. Et puis, en dernier recours, bien sûr, les États-Unis, vers lesquels aussi on les envoie parfois avec des passeports sans retour possible. Donc, il y a aussi une réflexion de la part des proscrits sur les lieux d'accueil. Donc, il faut bien voir aussi que les exilés réfléchissent aussi à la façon dont ils vont être traités ensuite une fois sur place. On sait qu'en France, effectivement, il y a un accueil qui est plutôt généreux du point de vue des secours attribués, mais en contrepartie avec une surveillance qui est quand même extrêmement rigoureuse par rapport à celle qu'on peut avoir dans d'autres pays. Donc ça entre aussi en ligne de compte dans la façon dont on peut retracer finalement les choix, les stratégies migratoires à travers les correspondances de réfugiés. Et puis pour le cas français, toujours dans ces années 1830, qu'est-ce que nous citons à la Monarchie de Juillet aujourd'hui ? Eh bien regardez, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus, pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars, des types pas ordinaires. Nous avons souvent notre cafard, nous sommes légionnaires. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Chant de la Légion étrangère en France. Tiens, voilà du boudin, la Légion étrangère 1831. Sylvie April, la Légion étrangère s'inscrit aussi dans cette histoire d'accueil. Que fait-on de ceux qui viennent et qui peuvent combattre? Oui, parce que comme on l'a dit, donc les Polonais arrivent après une insurrection, donc ce sont beaucoup de militaires ou des gens qui sont devenus militaires à ce moment-là, et donc on ne sait pas trop quoi faire, donc on se pose la question de se demander si on va les incorporer à l'armée française. Ça paraît délicat. Donc on va inventer cette fameuse Légion étrangère. Ce qu'on sait moins, c'est que nous sommes dans les années 1830, c'est que le champ de bataille, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas vraiment. Donc, on va finalement décider de les utiliser à la conquête, le maintien de l'ordre hein, de ce qui est en train de se construire, c'est-à-dire aussi donc la conquête de l'Algérie. Et donc, ils vont être embauchés, j'allais dire, donc dans cette mission, ce qui évidemment les rend peut-être moins sympathiques à nos yeux, hein, de les voir dans cette politique de répression hein, qui évidemment se met en place à ce moment-là contre les populations locales. Mais bon, faut pas non plus, si vous voulez, ne voir que ce versant-là, mais c'est vrai que c'est un cas important. Mais on sait que la Légion jouera aussi un rôle au XXe siècle d'aide justement à ces migrants, à ces exilés pour la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc, c'est ça. Non, mais Sylvie April, vous avez raison de souligner tout ça. C'est cette ambiguïté du statut de réfugié. C'est très complexe et c'est ça aussi qui est passionnant. Vous l'avez évoqué, ne serait-ce que par la stature sociale. Ce n'est pas la même chose si l'on est un ouvrier en exil ou un aristocrate en exil. Ce n'est pas la même chose si on est un combattant qui entre dans la Légion en France. Delphine Diaz, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte, mais au moment de l'accueil, nous sentons bien que c'est vraiment important, parce que vous avez évoqué ce mot de surveillance. Accueillir, savoir qui l'on accueille, s'approche très vite de contrôler. Oui, alors effectivement, cette surveillance, c'est aussi une surveillance qui est différente en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient, hein, quand on est un exilé au XIXe siècle. Alors, faut bien rappeler que l'exil reste une affaire quand même d'élite, hein, surtout au cours de la première moitié du XIXe siècle. On a parlé des Polonais qui sont souvent issus de la petite noblesse hein, et qu'on retrouve très nombreux parmi ces insurgés et ces proscrits. Mais petit à petit quand même, effectivement, ce qu'on voit aussi au fur et à mesure de ce siècle, c'est qu'il y a une représentation de plus en plus importante aussi des classes moyennes, des classes populaires parmi ces groupes d'exilés. Et que ça va poser encore plus de problèmes aux autorités. On le voit notamment lors des différents épisodes d'exil carliste espagnol. Les carlistes sont ces légitimistes hein, qui soutiennent le prétendant Don Carlos à la couronne espagnole et qui sont en lutte avec la monarchie libérale espagnole et qui vont fuir très nombreux vers la France dans les années 1830-1840 et puis ensuite dans les années 1870 au début de la Troisième République. Et donc parmi ces carlistes, ce qu'a montré notamment Alexandre Dupont, qui est un des co-auteurs de l'ouvrage. Les réprouvés. Oui, et il montre comment, effectivement, parmi ces groupes de réfugiés carlistes, il y a une composante sociale très importante, issue des classes populaires, que ce soit des domestiques et que ce soit également des paysans. Alors ces paysans, ou ces réfugiés pauvres, ils posent encore plus de problèmes aux autorités. Ils font l'objet de secours qui sont moindres par rapport aux réfugiés de classe sociale plus haute. Donc c'est un peu contre-intuitif pour nous, c'est-à-dire que plus on est pauvre, moins on touche d'argent, plus on est riche, plus on en touche. Oui, alors certains vous diront que c'est un principe de base de fonctionnement. Mais dans ce que vous nous dites là, il y a cette idée que celui qui arrive, s'il doit partir parce qu'il représente une menace dans son pays, eh bien apporte peut-être avec lui la menace. Sylvie April, il y a de ça aussi qui se construit peu à peu, c'est que ce proscrit, celui qu'on accueille, est peut-être lui-même dangereux. Oui, plus effectivement il y a le nombre croît, plus finalement ils sont moins individualisés, moins connus eux-mêmes. Effectivement, plus ils peuvent apporter de menaces sociales. Et d'ailleurs, on va souvent jouer hein, la concurrence pour essayer de ne pas qu'il n'y ait pas un lien entre le mouvement ouvrier local qui est en train de se mettre en place et c'est arrivé donc d'exiler. On va essayer de faire jouer quelque chose qui s'appelle la concurrence, en disant attention, voilà, il y a des ouvriers français qui arrivent et qui vont vous concurrencer. Donc c'est ce qu'on voit déjà dans les années 1860 et qu'on verra aussi après la Commune, c'est-à-dire faire jouer donc cette concurrence donc entre dans un même milieu ouvrier. Oui, et puis dans ce mot, eh bien, il y a énormément d'émotions. On l'a évoqué hein, depuis le début de cette émission. Le mot exil a quelque chose de romantique, et pour certains, l'exil, alors on peut pas dire est doré, mais enfin, quand même, une petite île anglo-normande, ça peut être très sympa. Si je pouvais voir, ô patrie, tes amandiers et tes lilas, et fouler ton herbe fleurie, hélas! Si je pouvais, mais ô mon père, ô ma mère, je ne peux pas prendre pour chevet votre pierre, hélas! Ô vers l'étoile solitaire, comme je lèverai les bras, comme je baiserai la terre, hélas. Loin de vous, ô mort que je pleure, des flots noirs j'écoute le glas. Je voudrais fuir, mais je demeure, hélas. Pourtant, le sort caché dans l'ombre se trompe si comptant mes pas. Il croit que le vieux marcheur sombre est là. Hélas, c'est Pierre-Marie Baudouin qui nous lisait cet extrait du poème Exil de Victor Hugo, la figure de l'exil au XIXe siècle, une figure un peu construite après 1851 quand il quitte la France et le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce qui est intéressant avec cette notion d'exil, c'est qu'elle transcende en fait l'ensemble de ceux qui sont concernés, même si les situations sont très diverses. Delphine Diaz, on retrouve ça, l'attachement au pays, une nostalgie, presque une reconstruction du pays lui-même, hors de son contexte politique qui a obligé la personne à fuir. Oui, on le retrouve à travers tous les écrits que nous ont laissés les exilés et qui sont, voilà, pour nous aussi une source foisonnante hein, quand on fait l'histoire de ces migrations. Les écrits qui peuvent être à la fois effectivement des poèmes, on pense à, bien sûr à la poésie de Hugo, qui peuvent être des chansons qui rappellent l'attachement à la patrie, qui peuvent être voilà tout un ensemble de discours qui se transmettent et de pamphlets également qui se transmettent pour rappeler l'attachement à la patrie, pour rappeler aussi parfois l'indignation hein, face à ce que devient la patrie. Hein. C'est notamment le cas bien sûr de tous les pamphlets républicains contre Napoléon le Petit. Hein. Donc on a effectivement cette dimension toujours d'un lien à la patrie. Et puis il faut aussi penser aussi que beaucoup de ces exilés vont parfois aussi rentrer chez eux hein, et mettre à profit leur expérience de l'exil pour leur propre nation, parfois en voie de construction ou en plein bouleversement politique. Avec un mot hein, qui couvre l'ensemble, mais autant de situations diverses. Et dans les réprouvés sur les routes de l'exil dans l'Europe du 19e siècle, vous dirigez Delphine Diaz et Sylvie Apride, il y a un chapitre consacré au genre de l'exil. Parce que sous ce terme générique exil, il y a tant de situations diverses et le genre est quelque chose qui n'entre pas dans nos représentations de l'exilé, où nous imaginons des combattants italiens ou polonais ou un Victor Hugo. Pourtant, tout le monde, les femmes y compris, sont concernées par l'exil. Oui, il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont condamnées à l'exil, hein, qui sont donc elles-mêmes hein, considérées comme des menaces, hein, ou qui vont être partir parce qu'elles risquent effectivement la prison et d'être donc emprisonnées donc aussi pour leurs idées. Donc il y a des femmes célèbres hein, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, Pauline Roland, Jeanne de Rouen pour la France. Et puis il y a d'autres figures donc de femmes qui sont souvent à la fois des femmes et des épouses. De révolutionnaires. Bon, Jenny Marx est une exilée, hein, voilà. Donc on est à égalité dans la façon où elle s'implique énormément aussi donc dans ce militantisme politique. Et ses filles tout autant. Hein, Eleanor Marx va être l'une une activiste et une penseuse aussi politique. Hein. Donc il y a véritablement tout ça qui joue et qui fait que donc ces femmes vont vivre des situations souvent difficiles. Elles vont aussi bénéficier parce qu'elles sont plus invisibles. De la possibilité de circuler. Donc elles vont permettre souvent le passage d'idées, elles vont leurs lettres sont moins espionnées. Donc elles font passer des idées aussi grâce à cela, elles vont aussi éduquer hein, des générations d'enfants qui vont être des enfants de militants. Donc il y a tout ça qui joue également et puis le genre c'est pas simplement les femmes, c'est aussi les hommes, c'est-à-dire leur regard sur des idées nouvelles qu'ils vont découvrir qui vont peut-être pour certains les amener à repenser les rapports entre les hommes et les femmes. En citant la famille Marx, nous avons aussi cet autre mouvement d'exil de la fin du 19e siècle avec l'international où là la notion de nation disparaît un peu. Mais dans ce grand mouvement Delphine Diaz, c'est vrai que nous avons toutes ces grandes figures qui au 20e siècle, c'est Lénine qui se trouve loin de la Russie. L'histoire de l'Europe se construit souvent en exil. Oui, l'histoire de l'Europe se construit souvent en exil. On le voit si on pense à ces grandes figures européennes de proscrits qu'éclaire le livre, hein, qu'on pense bien sûr à Mazzini pour le cas italien, hein, qui circule entre la France, la Suisse et la Grande-Bretagne, qu'on pense à Karl Marx, qui est bien sûr aussi en exil en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, et qui fonde depuis Londres l'internationalisme ouvrier. Hein. Donc effectivement, on ne peut pas comprendre les cultures politiques européennes sans passer par ces grandes figures. Et puis d'un autre côté, ce qui était aussi un peu le but de l'ouvrage, c'était de montrer que derrière ces grandes figures du panthéon politique européen, des différentes cultures politiques européennes, eh bien il y a aussi effectivement des sans-voix, des anonymes, il y a aussi des femmes qu'on a longtemps oubliées. Donc c'était aussi un petit peu le projet de ce livre, Les Réprouvés, c'était de redonner aussi un peu de chair à ces exilés méconnus. De la chair, nous donnons de la voix. Pourquoi y a-t-il tant d'étrangers qui sont chez nous, sont-ils à leur place? Est-ce que vous avez senti cela, non pas vous, puisque vous êtes française, mais vous avez tout le temps autour de vous des artistes qui sont étrangers. Pâtissent-ils de cela encore, autant maintenant qu'il y a peut-être quelques années? Non, je crois que l'étranger en France est très heureux. Et ceci dit, vous comprenez, un étranger qui sort de son pays a toujours des complexes, d'abord par la langue et parce que il est désorienté, il n'a pas sa famille, ça. Mais le pays où on vit le mieux quand on est étranger, c'est certainement en France, vous comprenez. On est toujours désorienté quand on n'est pas dans son propre pays. Mais enfin, je crois que c'est quand même le pays où les étrangers sont le plus heureux. Telle est l'opinion de Ludmila Tcherina, étoile française de la danse, fille du grand colonel de l'armée du Tsar, Avenir Tchemerdzine, Khan authentique et 53e avenir du nom. Nous étions en 1960 dans l'heure de culture française. Alors oui, c'est sûr, là, nous ne sommes pas dans de l'émigration prolétaire. Nous l'entendons bien. Et il y a ce jugement des années 60 sur la notion d'étranger. Alors, l'immigré, le réprouvé aujourd'hui, le mot banni apparaît moins dans l'actualité. Mais tous ces mots, tout ce que vous étudiez, Delphine Dia, Sylvie April, dans Les Réprouvés, c'est ça aussi. C'est faire écho à l'actualité. Et vous en parlez d'ailleurs dans l'ouvrage. Vous commencez l'ouvrage ainsi, vous le terminez ainsi avec la nécessité de l'écho contemporain, crise migratoire. C'est très important aussi de comprendre, pour aujourd'hui, que ce soit en Palestine, que ce soit avec les Ukrainiens, comprendre la notion de réfugié. Elle naît au 19e siècle, elle évolue. Delphine Diaz. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le mot même d'exilé est un mot qui a été récemment aussi réactivé pour parler de ces milliers de Syriens, d'Afghans qui se sont précipités parfois sans y parvenir en Europe, ou alors également pour les Ukrainiens, les Ukrainiennes, puisque beaucoup de femmes effectivement sont présentes dans cet exode qui va devenir un exil malheureusement. Hein, donc on voit aussi comment des mots hérités du 19e siècle et qui sont aussi qui ont cristallisé tout un ensemble de représentations qu'on a essayé ici d'analyser, de l'exilé potentiellement traite vers l'exilé héroïque. Ce sont aussi des représentations qui sont réactivées quand on étudie le temps présent de la migration contrainte. Sylvie April, il y a vraiment quelque chose qui touche à l'actualité, et je citais la Palestine avec cette réflexion sur sont-ils des gens qui sont exilés chez eux. Il y a toutes ces réflexions-là, la nécessité de bien comprendre les mots du passé pour comprendre le présent. Oui, tout à fait. Et chaque situation peut être relue. Je pensais à l'exil portugais. On parlait jamais d'exil portugais, on parlait de migrants économiques. Et c'est vrai que quand on reprend l'histoire du Portugal, on pense évidemment qu'il s'agit un régime aussi politique très autoritaire, et que beaucoup de ces jeunes Portugais qui venaient simplement donc pour nous travailler en France fuyaient aussi la conscription et les guerres coloniales en Afrique. Voilà, donc il y a toutes des relectures qui sont tout à fait certes qui montrent bien que ce terme d'exil peut retrouver, j'allais dire, une réalité et une certaine plasticité aussi émotionnelle importante. Mais c'est vrai que on distingue encore souvent des migrants syriens et des réfugiés ukrainiens. Oui, voilà. Non, mais il faut le souligner parce que c'est vraiment pour cela que dans le cours de l'histoire nous voulions réfléchir toute la semaine à cette notion d'exil, parce que c'est une notion très complexe. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux de nous avoir éclairés en nous parlant de ces réprouvés sur les routes de l'exil dans l'Europe du 19e siècle. C'est l'ouvrage que vous avez dirigé, Delphine Diaz, Sylvie April, aux éditions de la Sorbonne. Très clair, merci beaucoup. Très clair pour comprendre l'actualité. Mais pour nous aider aussi à comprendre, il y a Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Quelle langue écrivaient les Gaulois ? On sait que jusqu'à la fondation de Marseille, la cité phocéenne, par des Grecs vers 600 avant Jésus-Christ, l'usage de l'écriture était ignoré en Gaule. L'extrême réticence des Gaulois à l'égard de l'écriture apparaît même comme l'une de leurs grandes spécificités quand on les compare aux autres peuples méditerranéens. Alors que les populations italiques ou ibères se sont emparées de l'écriture dès leur premier contact avec l'une ou l'autre des deux grandes civilisations de l'écrit, la phénicienne et la grecque, cela n'a pas été le cas pour les Gaulois. D'après Jules César, en Gaule, un interdit religieux frappait l'usage de l'écrit, car la société celtique privilégiait la transmission orale de sa culture. Des raisons sociales peuvent expliquer cette particularité. Les druides, qui étaient les maîtres de l'enseignement du sacré, tenaient à conserver le secret de leur discipline en évitant la diffusion qu'aurait provoqué la démocratisation de la communication écrite. Cela ne signifie pas pour autant que la Gaule du 1er siècle avant Jésus-Christ ait été une société sans écriture. Les archéologues ont retrouvé, sur un certain nombre de sites indigènes de Gaule méridionale, des mots gaulois, en majorité des noms propres, écrits en caractères grecs. Il s'agissait le plus souvent de marques de propriété sur des céramiques, des légendes monétaires, des dédicaces votives ou des épitaphes. On retrouve ici une règle qui a été observée dans toutes les civilisations entrées en contact avec le monde de l'écriture. C'est d'abord dans le domaine profane, notamment dans le champ de l'économie privée et de l'économie politique, que l'usage de l'écrit a commencé à s'imposer. La conquête romaine a bouleversé l'environnement socio-politique de la Gaule, car à partir de ce moment-là, on est passé d'une situation de rencontre à une situation de domination. Sur le plan linguistique, ce nouveau contexte explique le développement d'une nouvelle langue écrite qu'on appelle le gallo-grec. Les spécialistes ont fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'une adaptation de l'alphabet grec hellénistique qui avait séduit les Gaulois parce qu'ils y ont trouvé un stock de voyelles et de consonnes adaptées à leur phonétique. Toutefois, il semble bien que les Gaulois aient utilisé le gallo-grec non seulement comme un instrument de communication, mais aussi comme un moyen d'affirmation identitaire, à la fois personnelle, sociale, voire même politique. L'usage du gallo-grec comme revendication d'identité aurait été renforcé par les contacts de plus en plus importants noués entre les peuples de la Gaule et les conquérants romains, qu'ils soient soldats, administrateurs, colons ou marchands. En prenant la précaution de préciser que le raisonnement ne s'applique qu'aux élites de ce temps, on peut faire l'hypothèse que la romanisation de la Gaule a finalement stimulé la volonté collective des Gaulois de marquer leur spécificité face aux Romains. La diffusion du gallo-grec aurait ainsi favorisé le développement d'une conscience culturelle et politique qui a ressurgi périodiquement par la suite, même au moment de la christianisation de la Gaule, quand les moines ont commencé à transcrire en latin le vieux fonds épique et littéraire des Celtes. Merci beaucoup, Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment est à retrouver, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, tout comme le cours de l'histoire, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou.